nez. On est des gangsters. Ouais, ouais, ouais, ouais. On va comme ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. On est des gangsters. Ouais, ouais, ouais, ouais. On est des gangsters. Des gangsters. Ça, c'est pour ça qu'on n'est pas pareil des autres. Les autres, ils sont nuls et nous, on est forts. On est trop, trop forts. C'est pour ça qu'on est nuls et on est pas. On est trop forts.